Non conforme. C'est Leila Califf qui reprend la chanson de David Bowie intitulée I'm Afraid of Americans dans une version à la couleur moyenne-orientale. Anyone, they don't even just pretend.

copie non conforme. Retiens la nuit est une chanson de Johnny Hallyday datant de 1961, reprise en espagnol par Los Iracundos. Depuis la noche que el sol ya está por salir, después te irás y ya nunca tú volverás. Y el cielo azul se ha puesto gris, porque mañana te irás. Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche, no has de sentir de mis labios un solo reproche. Quédate junto a mí, al menos un momento más. Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche, sé que mañana no habrá más nada de aquel amor que fue todo mi mundo, y en las tinieblas me perderé como un vagabundo. Horas van pasando irremediablemente, se acerca ya nuestra separación. No puedo detenerte desgraciadamente, aunque se me desgarre el corazón. Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche, no has de sentir de mis labios un solo reproche. Y el cielo azul se ha puesto gris, porque mañana te irás. Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche, sé que mañana no habrá más nada de aquel amor que fue todo mi mundo, y en las tinieblas me perderé como un vagabundo. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et le fasse oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit. L'amour qu'elle devienne éternelle pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. Ne me demande pas d'où me vient ma tristesse. Ne me demande rien, tu ne comprendrais pas. En découvrant l'amour, je prône la détresse. En croyant au bonheur, la peur entre en mes joies. Retiens la nuit pour nous deux

say I'm on a Mexican radio. I'm on a Mexican, whoa, radio. I'm on a Mexican radio. I'm on a Mexican, whoa, radio. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio. I'm on a Mexican radio. I'm on a Mexican. Copie non conforme. On termine cet épisode de Copie non conforme avec une chanson de Tommy James and the Shondells, parue en 1968 sur le label Roulette Records. C'est le groupe The Janas de Marseille qui interprète la cover. Here she comes now, saying morning, morning. Well, shutting down, turn around, come on, moaning. Hey, she give me love and I feel alright now. You gotta toss and turn, I feel alright, and I feel alright. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Cause you make me feel so good, so good. Moaning, moaning. Shotgun dead, come home moaning. Don't stop cooking, I feel alright now. Don't stop now, come on moaning, come on moaning. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. So good, so good, so fine. vous a plu? Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut !